Q4, oral production. In the following dialogues, you are to play the part of a character. First, you will hear an exchange between two characters. Then you will hear your character's line repeated several times. Finally, you will hear the beginning of each exchange again. It is also printed below. And this time, you say your character's line. Example 1. Listen to the dialogue between Ousmane and Mireille. Ça va? Oui, ça va. Listen to Mireille's line. You will hear it 4 times. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Now it is your turn. You are Mireille. You hear... Ça va? You answer... Oui, ça va. 2. Listen. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Now it's your turn. Ça va? 3. Listen. Véronique, salut. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va, merci. Ça va, merci. Ça va, merci. Now it's your turn. Véronique, salut. Comment vas-tu? 4. Listen. Tiens, bonjour, mademoiselle Vélo. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Now it's your turn. Tiens, bonjour, mademoiselle Vélo. Comment allez-vous? 5. Listen. Tiens, Hubert. Salut, ça va? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Now it's your turn. Tiens, Hubert. Salut, ça va?